Voici votre bulletin régional. Les Bellefontaine, groupe de musique traditionnelle, se produisaient à Istinguis le 9 juillet dernier. Ils sont de retour dans la région le 25 juillet à 20h30 dans l'église Chalmers de Gould. Les billets sont disponibles auprès des membres du comité de Les Amis de la Culture ainsi qu'au marché Bernadin. Le 25 juillet à 19h, sur le gazebo du parc à Skustown, projection du classique de 1942 avec Bogart et Bergman, Casablanca. En cas de pluie, reporté au 1er août.